Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1917, l'arme secrète des Indiens Shakta. La photo des deux hommes est incroyable, si incroyable qu'on dirait un montage. D'un côté, le maréchal Foch, le héros français de la victoire de 1918, moustache, manteau et képi. Près de lui, Plentikou, le chef amérindien de la tribu Crow, en grande tenue d'apparat, collier et coiffe à plumes d'aigle. À quoi peuvent bien penser ces deux vieux guerriers, originaires de mondes si différents, réunis en 1921 pour commémorer les morts de la Première Guerre mondiale? Les volontaires amérindiens, surnommés les Doughboys, furent en effet nombreux, environ 12 000, à s'engager dans l'armée américaine pour venir en 1917 se battre en Europe aux côtés des Français et des Britanniques. Un conflit lointain qui n'avait déjà pas beaucoup de sens pour l'Américain blanc moyen. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien motiver ces Sioux, Cheyennes, Apaches, Comanches, Shakta, qui pour la plupart n'étaient même pas des citoyens américains? Certains de ces soldats furent même utilisés pour transmettre dans leur langue des messages codés, les fameux code talkers, comme les héros de ce soir, James et Joseph Oklahombi, deux Indiens Shakta. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Thomas Griot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, chercheur au CNRS, spécialiste des Indiens d'Amérique, l'auteur notamment d'un livre qui nous raconte comment les Amérindiens des États-Unis sont devenus patriotes après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, nous reviendrons avec vous, si vous voulez bien, sur les circonstances de cette fameuse photo. Mais tout d'abord, Thomas Griot, pouvez-vous nous dire ce qu'est la situation des Indiens en 1917, donc au début du conflit pour les Américains dans cette Première Guerre mondiale? Alors, les Amérindiens, ce sont en fait des centaines de groupes ethniques différents qui ont été colonisés par les Européens depuis le XVIIe siècle et qui, en 1917, se retrouvent tous dans la même situation d'être des groupes sujets des États-Unis, plus que citoyens, même si deux tiers, on pense déjà, des Amérindiens ont ce statut de citoyenneté au moment où la guerre éclate. Donc des peuples colonisés avec un statut un peu incertain, puisque même s'ils sont citoyens, ce sont des citoyens de seconde zone, souvent isolés, en particulier dans l'ouest des États-Unis, dans des territoires qu'on appelle les réserves, où ils ont été contraints de se regrouper, même si certains de ces territoires sont aussi parfois des foyers ancestraux pour eux. Ce qui est assez étonnant, donc on est en 1917 finalement, enfin pour nous français, on a l'impression qu'on est très peu de temps finalement après la fin des guerres indiennes, ce qu'on appelle les guerres indiennes, c'est-à-dire finalement la pacification de ces Indiens qui se sont battus pendant très longtemps pour justement contre cette présence européenne. Alors là aussi effectivement, si on a cette vision, c'est parce qu'on assimile les Indiens aux Indiens des plaines et parmi eux à certains groupes comme ça un peu qui ont fasciné les imaginations américaine et européenne, les Sioux, les Comanches, les Arapahos, les Crows, donc les guerriers à cheval qui effectivement ont souvent été soumis le plus tardivement dans les années 1870 voire 1880 et on donne généralement comme date de fin de ces guerres indiennes, de tous ces conflits en fait qui consistent à soumettre des populations, à les forcer à céder leurs terres et à se replier dans les réserves dont on vient de parler, à la date de 1890 qui est en fait la date d'un massacre, le massacre de Wounded Knee, qui donc dans les histoires traditionnelles signe un peu la fin de ce mouvement. Alors en fait, les Indiens continuent à vivre, ils sont toujours présents dans les réserves, ils essayent, comme tous les peuples colonisés, de faire avec leur situation de subjugation, de maintenir ce qui peut être maintenu, de s'adapter quand il faut s'adapter. Et ce qui surprend en 1917, c'est justement l'absence de révolte. On a des populations qui, pour certaines, ne sont, entre guillemets, soumises que depuis une quarantaine d'années. Alors, 40 ans, c'est quand même beaucoup. Mais effectivement, c'est peu par rapport à l'histoire, quand oui, même, de ce peuple. Et certains des guerriers donc, qui ont combattu l'armée américaine sont toujours en vie. Vous avez parlé de Plentikou. Alors, lui, comme il était Crow et comme il était ennemi des Sioux et que les Sioux étaient finalement devenus les ennemis des États-Unis, ce qui n'était pas au début, Plentikou s'est engagé dans sa jeunesse dans l'armée américaine. Donc, lui-même a une histoire un peu particulière, comme un certain nombre de groupes d'ailleurs ennemis des Sioux qui avaient fait ce choix précocement pour défendre leur propre existence collective contre les Sioux qui étaient un peuple conquérant et qui les avait mis en danger. Mais donc, on a des gens qui ont vécu ces guerres-là, qui sont toujours là. Geronimo, lui, est mort. C'est Geronimo le grand est mort, chef Apache, absolument. 1909. Il déjà, est mort, mais c'est tout récent. Et donc, ses fils vont s'engager dans le conflit. Thomas Griot, nous verrons donc tout à l'heure si l'engagement dans la Première Guerre mondiale de ces 12 000 volontaires marquera ou non un changement dans leur statut, le statut des Indiens dans la société américaine. Tout de suite, 1917, L'arme secrète des Indiens Shakta, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Benjamin Habitant. C'est fini pour aujourd'hui. Les commandes sont prêtes. Le madrier de chêne est scié. Il sera livré en début de semaine. Si ça continue, je vais devoir embaucher. Il y a 3 ans, j'aurais été comblé. Mais depuis mon retour, la journée, je me traîne. Et la nuit, il n'y a plus que le bourbon pour me faire dormir sans cauchemar. American Pride. La fierté américaine. C'est amusant. C'est la fierté américaine qui me fait dormir la nuit. Mais la fierté dans quel sens? Je suis fier d'être américain. Mais est-ce que l'Amérique est fière de moi? Novembre 1919. James Morrison est rentré chez lui en Oklahoma depuis quelques semaines. Il fait partie des 2 millions d'Américains qui ont combattu en France. Il a repris son commerce de découpe de bois, en pleine expansion grâce à l'embellie économique d'après-guerre. Mais comme beaucoup de ses camarades, ce célibataire de 31 ans peine à réintégrer la vie civile. Minerva, qu'est-ce que tu fais ici? Hello, James. Tu m'as choqué, moi? Excuse-moi, j'ai pas été prévenu de ta visite. Une femme à l'accueil m'a dit que je pouvais entrer. Je te dérange? Non. Je prenais un petit verre après ma grosse journée. Assieds-toi. J'ai pas beaucoup de temps. Tu es devenu aussi direct que les Blancs. On ne s'est pas vu depuis ton retour. Tu n'es pas revenu au village depuis des années. Bien que son apparence ne l'indique pas, James Morrison est métisse de la tribu Shakta, la principale ethnie d'Oklahoma. Cet État a été créé en 1906 et son nom, Oklahoma, signifie « l'homme rouge », car il est toujours peuplé principalement d'Indiens. Les Shakta sont reconnus par le gouvernement américain comme l'une des 5 tribus dites civilisées. Au début du XXe siècle, seuls les Cherokees, les Chickasaw, les Creeks, les Séminoles et les Shakta se sont ouverts à la culture blanche en ouvrant des écoles et des églises. James vit en ville, au milieu des Blancs. Il a bénéficié d'une éducation américaine, mais il fait figure d'exception. La plupart des Indiens vivent en marge de la société, dans des villages à l'écart des villes. Ça me fait drôle de voir Minerva. Avec sa robe rouge traditionnelle, elle détonne. On ne vit pas dans le même monde. Le sien est fait de croyances, le mien, de réalisme. Je suis bien le seul dans la famille. Abraham Lincoln avait raison. Les Indiens sont une race qui meurt. Excuse-moi, j'ai juste perdu l'habitude des formules de politesse à rallonge. Dis-moi ce qui t'amène. Je suis venue te parler de mon fils. Joseph? Il ne va pas bien. Il ne parle à personne. C'est pas surprenant. On est tous pareils depuis qu'on est rentrés. Non. Lui, il ne parle plus du tout. Il reste couché toute la journée. Si je ne le nourris pas, il se laisse mourir. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Il doit être possédé. On essaye de le soigner, mais pour l'instant, ça ne marche pas. C'est un vrai médecin qu'il lui faut. En fait, Joseph est devenu une charge. Je ne peux pas m'occuper de tout. Je sais que les Blancs qui reviennent de la guerre ont droit à de l'argent. Ils touchent pas de pension? Non, rien. Tu le sais, je ne suis pas une mendiante. Mais on ne peut pas vivre comme ça longtemps. Je comprends. Tu veux que je contacte les bureaux de l'armée? Oh, ce serait formidable si tu pouvais. Tu as l'habitude des papiers. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Merci, James. J'aurais jamais dû le laisser partir. Elle a raison. 15 ans, c'était trop jeune pour faire la guerre. Surtout celle-là. Pour Joseph, le choc a été énorme. Il n'était jamais sorti de son village. À Dallas, quand on est descendu du train, on s'est retrouvé au milieu d'une fourmilière de soldats. Moi-même, j'avais jamais vu ça. Et lui, avec sa chemise récupérée pour faire plus vieux, il a pris tout ça en pleine face. Mais il n'a pas bronché. Et il a signé son engagement comme les autres. C'était en octobre 1917. James Morrison et Joseph Oklahombie intégraient le 142e régiment d'infanterie du Texas et d'Oklahoma. Les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés des Alliés le 6 avril, et la conscription a été votée pour faire passer les effectifs de 100 000 volontaires à 4 millions d'ici la fin de l'année. Le temps presse et les recruteurs ne sont pas très regardants. L'armée accepte les mineurs, les illettrés qui ne peuvent même pas lire le contrat qu'ils signent. De même, on retrouve une forte représentation des minorités habituellement discriminées, des Noirs et des Indiens, qui, comme Joseph, n'ont souvent même pas la citoyenneté américaine. Salut toi, James. Tu m'as choqué, moi ? Ça va, ça va. Mais si on veut pas se faire mal voir, on a intérêt à parler en anglais. D'accord. Et pour l'instant, l'instructeur m'adore. Je tire mieux que la plupart des Blancs. T'étais à l'entraînement de tir ? À 30 mètres, j'ai fait le meilleur score. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Tu devrais plutôt retourner à l'école et te construire un avenir. Si tu pars ce soir, personne te retrouvera. Qui ? Non, ça ne serait pas correct. Il faut respecter sa parole, Opaï. M'appelle pas Opaï. Je suis pas chef de guerre. Je suis ton cousin. Je dois prouver à la tribu que je suis devenu un homme. Tu fais ça pour la tribu ? Mais oui, tu sais bien. Si un jour je veux me marier, il faut que j'aie tué des guerriers au combat. Joe, il faut arrêter ces bêtises. On est au 20e siècle, on n'a plus besoin de ça. Moi si. Il a la tête dure, le petit. Il s'en sort bien, en tout cas. Pas facile de respecter les règles des Blancs. La discipline, les horaires. Sans parler du simple fait que Joseph n'a jamais dormi dans un bâtiment fermé. Il paraît qu'on a de la chance. Que l'armée américaine n'est pas la plus stricte. Je me demande comment ça se passe en France. En juillet 1918, après 8 longs mois de préparation, le 142e régiment d'infanterie débarque en France. Sur place, la situation n'est pas brillante. Les Alliés sont au bord de l'asphyxie. Les troupes américaines se déploient entre les Anglais et les Français, principalement dans la Meuse. La centaine d'hommes de la compagnie de James et de Joseph rejoint son cantonnement près de Montblainville. Le lieutenant n'a pas l'air de savoir où il va. Il reste bloqué sur sa boussole. Soldat ? Oui, mon lieutenant. Vous êtes des chasseurs ? Tous les Chactas ou presque sont des chasseurs, mon lieutenant. Bon, vous allez vérifier quelque chose. On voit rien dans cette forêt, j'ai l'impression qu'on s'est un peu écarté de la route. Normalement, on aurait dû voir une clairière sur la droite avant d'arriver sur le côté de la tranchée, mais là, il n'y a rien. Partez devant pour la repérer. Bien, mon lieutenant. Le lieutenant Laurence est un fermier texan sympathique, mais il ne connaît rien au terrain. On est bien perdu, en pleine nuit, dans une forêt à moins de 2 kilomètres des lignes allemandes. Nous voilà bien. On n'a pas le droit à l'erreur. La nuit, toutes les tranchées se ressemblent. Tous les uniformes aussi. Norma ! Il parle quelle langue ? Peut-être du français. Tu sais à quoi ça ressemble le français, toi ? Non. En fait, c'est peut-être de l'allemand. Joseph et James ont appris dès leur plus jeune âge les techniques indiennes de chasse. Ils savent se déplacer contre le vent pour ne pas être repérés. ils s'approchent sans mal à quelques mètres des soldats et reconnaissent leurs casques à pointe. Ils reviennent sur leurs pas et emmènent leur compagnie dans la direction opposée jusqu'à leur cantonnement. Ce type d'incident se multiplie. Malgré un entraînement de plusieurs mois, les premières manœuvres américaines sont très approximatives. Au grand dam du général Pershing, commandant du corps expéditionnaire, les généraux français placent l'armée américaine sous tutelle. Quelle plaie cette gâteau! Attention mon colonel, les planches ne sont pas très stables. Oui. Bon, j'en étais. Ah oui, soldat Oklahoma et Morrison. Je suis heureux de vous annoncer que vous avez rempli les critères pour devenir tireur d'élite. Vous pouvez être fier. Merci mon colonel. Bon, par contre, pour l'odeur, on peut rien faire, là, c'est pestilentiel. Ça va être difficile, mon colonel. C'est de l'eau croupie. Qu'est-ce que... Une attaque? Je sais pas. À terre! Ah, non! Colonel, laissez-moi vous aider. Mais non, mais regardez-moi ça, là. Il faut que je me change. Et vous n'avez même pas bougé, là. Non, mon colonel. En fait, si ça fait... On sait que c'est loin. Mais si ça fait... Là, il faut se mettre à couvert. Oui, d'accord, je saurai. Ces Indiens, ils ont ça dans le sang. Jusqu'au galon. Jusqu'au galon. Je t'ai apporté un cadeau pour te remercier de ton aide. C'est gentil, fallait pas. Un capteur de rêve. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Merci, je vais le mettre sur mon bureau. C'est pas pour ça que je te le donne. C'est pour te protéger de Shelop le fantôme. Il a réussi à prendre mon fils. Je ne veux pas qu'il prenne mon cousin. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me mens pas, James. Je t'ai vu l'autre jour boire de l'alcool. Si les Indiens boivent, c'est pour oublier quelque chose. Prends-le pour dormir. Il te protégera de Shelop. Merci, Minerva, mais tu sais, je crois pas à ces trucs. Le prends pas mal, hein? Je ne le prends pas mal, je suis triste. Tu refuses de voir ce qui se passe. Tu es malheureux, tu es vulnérable. C'est dans ces moments-là que Shelop en profite pour dévorer les âmes. Mais tu crois encore à ces choses-là? Je croyais que tu allais à l'église. Ça n'empêche pas. Je prie le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Bien que les Indiens Chactas soient en grande partie évangélisés, ils conservent leurs croyances en les accommodant au christianisme. Ils croient au grand esprit, Nana Pesa, qu'ils assimilent à Dieu. Ils croient aussi en différentes entités maléfiques qui s'apparentent à des démons. Parmi elles, Shelop, le fantôme. Il vient la nuit et s'attaque aux personnes dépressives pendant leur sommeil. Il se glisse dans leur tête pour dévorer leur âme et prendre possession de leur corps. Je ne sais pas s'il est efficace, mais en tout cas, c'est un beau capteur de rêve. En bois, avec une amulette circulaire au centre et des plumes d'aigle accrochées. On en donne aux enfants pour éviter qu'ils fassent des cauchemars. J'en ai eu un. Je ne me rappelle plus si ça marchait pour moi. Mais je sais qu'à l'époque, j'y croyais. Le tireur d'élite doit être seul. Je t'accompagne jusqu'au bout de la tranchée. Après, tu seras seul, puisque c'est ce que tu veux. Oui. T'aurais dû faire comme moi et refuser. Tireur d'élite, c'est pas pour nous. C'est de la chasse. Joseph, quand tu tues un animal, tu fais la prière pour leur remercier de nourrir ta famille. Là, ce sont des hommes que tu vas tuer. Quand ils iront chercher de l'eau ou s'ils ont le malheur de passer dans ton viseur. Les Allemands font la même chose. C'est pas une manière honorable de se battre. On y est. Aide-moi à grimper et à passer sous les barbelés. Merci. Tu pars combien de temps? Bonne nuit. Je t'attendrai ici. Prends soin de toi. Merci. Les nuits de l'automne 1918 sont très froides, surtout pour les Américains des États du Sud. Ces trois jours paraissent interminables à James. Le front est calme pour le 142e régiment, les Allemands ayant lancé une attaque plus à l'est contre les Français. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait 2 heures qu'il devrait être là. 2 heures que je regarde ce qui reste du petit bois en face, dans le No Man's Land. Le terrain a été bombardé juste après notre arrivée. Impraticable pour une offensive. C'est pour ça qu'on fait passer les tireurs d'élite par ici. Il y avait sûrement une forêt ici avant. Il n'y a plus que quelques troncs. Tout a été déchiqueté. Des branches, partout. Quelle désolation. Alito, tu ne devrais pas sortir de la tranchée. Je sais, mais je m'ennuyais. Comment tu te sens ? Ça va. Je t'ai apporté du thé. T'as faim ? Tu veux pas parler ? Dans les jours qui suivent, Joseph se ferme et s'isole de plus en plus. Il passe son temps à dessiner et sculpte 3 traits sur la crosse de son fusil. 1 pour chaque homme qu'il a tué lors de sa première mission. Bon, Minerva, pour la pension de Joseph, j'ai besoin de sa date de naissance. Je ne la connais pas. Tu l'as jamais notée ? Non, désolé. Mais j'ai rapporté le bijou. Je pense que ça peut aider. Quel bijou ? Ça. Ça, c'est une médaille. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je sais que ça prouve que Joseph s'est battu pour les États-Unis. Non, c'est pas une bonne idée. En plus, c'est une médaille française. Mais si tu expliques... Ça prouve qu'il s'est bien battu. Oui, mais j'ai pas le droit de parler de ce qu'on a fait là-bas. Pas le droit ? Mais si ça peut aider ? C'est pas ça, Minerva. J'ai juré de ne jamais en parler. Même si je n'avais pas juré de ne pas en parler, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Cette médaille ne fait que raviver des souvenirs douloureux. La section touchée ! Prêtez la radio ! À couvert ! Tout le monde à couvert ! Mi-octobre 1918. La tranchée de repos où s'est repliée la compagnie de James et de Joseph est prise pour cible par l'artillerie allemande. Les pertes subies sont importantes. En fait, les Allemands espionnent toutes les conversations radio américaines et réussissent à anticiper leurs moindres mouvements. Comment tu te sens ? Ça va. C'était juste un petit éclat dans la main, mon lieutenant. J'ai eu de la chance. Je peux bouger les doigts. Tu sors quand ? J'ai pas compris ce que m'a dit l'infirmière française, mais bientôt, j'imagine. Ils ont besoin de place. On a perdu 53 gars. 53 ? Mais le colonel a donné son feu vert, on va pouvoir lancer l'opération dont on a parlé. Comment ça va se passer ? Vous êtes 20 à parler Chacta sur le régiment. On va vous donner des radios et vous affecter à chaque compagnie. Après, on fait comme on a dit. Vous transmettez les messages dans votre langue et vous traduisez en anglais ce que vous recevez. C'est tout. Par contre, évidemment, l'opération est secrète. Interdiction d'en parler à qui que ce soit. Bien sûr, mon lieutenant. Vous avez aussi compté Joseph ? Oui. Les tireurs d'élite ne voulaient pas le lâcher, mais c'est bon, vous serez ensemble. Merci, mon lieutenant. Je te dois bien ça. Ich schuke Schluss. C'est pénible tous ces mots qu'on n'a pas dans notre langue, mais on a convenu ça. On dit un pochito, grand fusil pour dire canon. Les munitions, ce sera uskinaki, les flèches. Le régiment, c'est okla, la tribu. Ça va? Tu comprends le truc? Pour le reste, on parle normalement. D'accord. Et il faudra parler, hein, Joseph. Ça va, je ferai ce que j'ai à faire, même si c'est bizarre. Quoi? Cette idée. Pourquoi nous? Depuis nos parents, on nous dit qu'on parle une langue de sauvage, qu'elle ne sert à rien, et puis tout à coup, on vient nous chercher justement pour la parler. C'est pour aider notre pays à gagner la guerre. Les Allemands comprennent l'anglais, ils ne comprennent pas le shakta. Et moi, j'ai pas demandé à être là. On sera ensemble. Ah donc, c'est ça? C'est toi qui m'as fait venir. Mais tu te prends pour qui, toi? Joseph, sois pas bête. Je t'ai fait venir parce qu'on sera plus utile en faisant ça. En restant planqué derrière une radio? On sera en première ligne. Je ne veux pas mourir en lâche. Tu ne mourras pas, Joseph. Je te ramènerai au pays sain et sauf. J'ai pas besoin que tu me ramènes. Tu rentreras tout seul. Je n'ai pas le choix d'être ici avec toi, mais après la guerre, je ne veux plus jamais te revoir. On ne sait pas de quoi on est fait tant qu'on n'a pas embroché un gars en le regardant dans les yeux. Moi, je l'ai fait. J'ai vu aussi les nôtres tomber comme des mouches avant même d'avoir parcouru 10 mètres. On nous promet à chaque fois que l'ennemi a été anéanti par nos bombardements. Mais quand on sort de la tranchée, ils sont toujours là. Et à chaque fois, ils nous dégomment comme des pigeons. Alors non, j'ai pas honte. Plutôt que de rester comme un lapin au milieu d'un duel d'artillerie, je préfère servir mon pays autrement. Le 26 octobre 1918, les 20 Shakta du 142e régiment deviennent Code Talkers, ceux qui parlent en langage codé. Leur première mission est de communiquer un plan de route pour le repli d'une compagnie qui se fait pilonner par l'artillerie allemande. L'ennemi n'arrive pas à décoder les messages en Shakta et la compagnie parvient ainsi à se mettre en lieu sûr. Ce succès finit de convaincre l'état-major, les Shakta seront utilisés systématiquement pour les transmissions. En parallèle, les Américains gagnent la confiance des Alliés. On leur confie un nouvel objectif, chasser les Allemands des rives de la Meuse. L'offensive est risquée, car elle s'étend sur une très grande ligne de front. Chaque compagnie se retrouve très éloignée des autres, ce qui compromet l'envoi de renforts en cas de besoin. L'effet de surprise pour cette offensive est donc primordial. Pour le conserver, le codage des messages en langue Shakta est capital. Yakoke. Et alors? C'est passé? Oui. On dirait qu'ils ont percé la troisième ligne de défense à Vouziers. Ça veut dire qu'on va bientôt se retrouver en Allemagne. C'est bizarre. La 17B dit qu'ils n'ont pas rencontré de résistance. Ils sont sûrement en train de craquer. Eux, ça fait 4 ans qu'ils se saignent dans cette guerre. En tout cas... Joseph, appelle le commandement. Les Boches nous ont tendu un piège et ils ont bougé leur artillerie. Elle n'est pas à 5000 yens, elle est ici. Allô? Commandement pour Joe 15. Je répète, commandement pour Joe 15. Message urgent, répondez. C'est les mitrailleuses allemandes, ils lancent l'attaque. Dites-nous, on peut récupérer des fusils. Vous ne pouvez pas. Comment ça? Si on se bat pas, ils vont passer et on risque une percée. Je ne crois pas que ce soit ce qu'ils veulent. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Je crois qu'ils viennent pour vous. Vous êtes 4 Shakta dans cet avant-poste. S'ils capturent l'un de vous, ils auront les clés du code. Faut que vous restiez ici. Mais c'est idiot! Autant qu'on se batte! J'ai pas le choix, ce sont les ordres. Mais on s'en fout des ordres! Je comprends pas, Joseph. Si on reste là, c'est pour que le lieutenant s'assure qu'on soit pas pris vivant. C'est vrai, lieutenant? Je suis désolé, le risque est trop grand. Joseph, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce revolver. Je ne vais pas me laisser tuer sans me battre! T'es pas l'idiot, Joseph. Je risque la cour martiale. Je sais où est la mitrailleuse. S'ils arrivent à entrer dans la tranchée, je ne me laisserai pas prendre vivant. Arrête! Arrête ou je tire! Joseph! Joseph! Dites-lui que j'espère qu'il a conscience de la chance qu'il a. Il en a conscience, mon colonel. Le général Pétain en personne pour vous remettre la croix de guerre. Un homme brillant. Je pense qu'après la guerre, on va entendre encore parler de lui. Vous avez intérêt à lui faire honneur. Oui, mon colonel. Bon. Dommage que le lieutenant Lawrence ne soit pas là. C'était un bon officier, Lawrence. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, au moment de l'attaque, il est simplement sorti de l'abri et on ne l'a plus revu. Et qu'est-ce qui lui a pris de désobéir comme ça? En tout cas, votre copain, le muet, il la mérite sa médaille. Il nous a sorti du merdier en se mettant derrière la mitrailleuse. Il n'est pas muet, mon colonel. Il est encore sous le choc. Combien il en a dézingué, les boches? 50? 60? 67, mon colonel. 67? Ah, 67! Ah non, non, c'est incroyable! Bon, attention, hein. Essuyez bien vos pieds avant de monter dans la voiture. Oui, mon colonel. À la fin octobre 1918, les Alliés ont définitivement enfoncé les lignes allemandes au nord de Verdun. L'apport des troupes américaines a été décisif. L'avancée se poursuit jusqu'à la demande d'armistice de l'Allemagne, signée le 11 novembre. En 7 mois, 50 000 soldats américains ont perdu la vie et 200 000 ont été blessés. Joseph Oklahombi est un héros. Il est décoré par le général Pétain. Mais, sous prétexte qu'il n'est pas citoyen américain, son commandement ne lui fait pas le même honneur. Jusqu'à son rapatriement, il souffre toujours d'un choc traumatique. Il ne parle pas, mais personne ne semble s'en alarmer. Pendant ce temps, tous les Indiens Shakta, Code Talkers, sont sommés de prêter serment de ne jamais révéler le rôle qu'ils ont joué dans cette guerre. Si j'étais cynique, je dirais que ça les arrange que Joseph ne parle plus. Est-ce qu'il joue un jeu? Ou son problème est réel? J'en sais rien. Après avoir tué le lieutenant, il s'est déchaîné derrière la mitrailleuse. Il était comme fou. Je vois encore ses yeux. Il prenait plaisir à tuer. À la fin, il ne restait plus qu'un tas de corps. Quand les derniers Allemands valides se sont enfuis, il s'est endormi sur sa mitrailleuse jusqu'à l'arrivée des renforts. Je voulais te dire, James, j'ai reçu la visite d'une journaliste, Zitka Lassa. Une Indienne? Oui, une Sioux. Elle prépare une série d'articles sur le fait que le gouvernement nous prive de nos droits. Et elle s'intéresse à Joseph. Pourquoi? Elle voudrait parler de son histoire. Elle pense que ça aiderait la cause des Indiens. Et pour nous, elle dit que ça ferait pression sur les Blancs pour qu'ils lui donnent une pension. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Elle a pas mal de monde avec elle. Elle a fait des études. Ils sont allés à Washington. Bah alors, vas-y, toi. Raconte-leur ce que tu veux, je peux pas t'en empêcher. Ce serait bien que toi aussi tu lui parles. Tu étais avec Joseph. Tu as fait la guerre. Et toi aussi, tu as fait des études. Tu sais parler. Tu es américain. Ta parole compte plus pour un article ou si on fait un procès. Vous voulez faire un procès? Elle dit qu'on peut. Qu'il y a de quoi gagner. Non, non. Je veux pas de publicité. Et c'est pas le moment de se mettre l'administration à dos. J'ai un contact. Une vieille connaissance au placé qui va pouvoir faire avancer le dossier. Bon. Comme tu veux. Colonel Blore, mon colonel. Qu'y a-t-il? C'est moi, mon colonel, James Morrison, le cousin de Joseph Oklahombi. Oui. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous ai attendu toute la matinée, je vous avais envoyé des courriers, vous les avez reçus? Non, je crois pas. C'est mon secrétaire qui s'occupe de ça. Mon cousin Joseph qui a été décoré par le général Pétain, vous vous rappelez? Écoutez, je suis pressé. Oui, je vais faire court. Mon cousin est devenu handicapé et il touche aucune pension. Il a reçu la médaille des Français, vous vous rappelez? C'est ennuyeux, oui. Médaille des Français, ici, ça sert à rien. Bon, j'imagine que vous avez fait une réclamation. Bien sûr, mais il peut pas se déplacer, il est pas citoyen américain. Ah, ça m'a l'air compliqué, votre histoire. Non, c'est pas compliqué, il doit y avoir une erreur sur les registres et on me laisse pas la corriger. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, je suis désolé, mais il faut vraiment que j'y aille. Et je vous contacte comment? Mettez-moi tout ça dans un courrier. On vous répondra, sans faute. James Morrison écrit un nouveau courrier au colonel Bloor, mais celui-ci aussi reste sans réponse. de nombreux vétérans indiens se retrouvent dans le même cas. Par manque d'informations, illettrisme ou absence de citoyenneté, des milliers de pensions militaires ne sont pas versées à ceux qui pourtant en auraient le plus besoin. Je me sens humilié. Par le colonel, par le système. 5 courriers sans réponse, c'est pas de la négligence, c'est du mépris. J'ai honte. J'en pleure de rage. Ce n'est pas encore ce soir que je vais dormir. Ma bouteille d'American Pride. Oh, elle est vide. Je n'ai plus de fierté. L'alcool ne me fait plus rien. Mais j'ai mon joli capteur de rêve. Si je pouvais redevenir un enfant, croire encore en quelque chose. Joseph ? C'est toi, Joseph ? C'est moi. Opaï, je suis content de te voir. C'est vrai ? Moi aussi, Joseph. Mais tu m'en veux plus ? Non, bien sûr que non. Tu sais, j'ai compris que tu as fait ce que tu as fait pour mon bien. Ah, si tu savais, ça me fait du bien d'entendre ça. Tu réussis à dormir, toi ? J'ai pas fait une nuit normale depuis notre retour. Je revois les images de l'attaque. Du lieutenant. Et puis je me réveille en sueur. Je peux plus respirer, ça dure. Longtemps. Je crois que je vais mourir, comme ça, tout seul, dans mon lit. Mon esprit m'a abandonné. Il a laissé Shilop rentrer là-haut, dans ma tête. Et maintenant, je ne peux plus parler. Je ne peux plus chasser. Tu te rends compte, Opaï ? Le tireur d'élite ne peut même plus tirer à la carabine. Je suis désolé, Joseph. Tellement désolé. Pourquoi ? Tout est de ma faute. C'est moi qui ai suggéré au lieutenant de nous faire parler notre langue. Je voulais nous mettre à l'abri. Mais finalement, j'ai fait de nous des cibles. Opaï, tu sais, j'aurais dû t'écouter. Dès ma première sortie comme tireur d'élite. J'ai eu tellement peur cette nuit-là. J'entendais des voix, je ne savais pas si elles étaient réelles ou dans ma tête. Tout était brouillé. C'est là où Shilop a commencé à me tourmenter. Bien avant que l'on s'occupe des transmissions, Shilop était déjà là. Tu n'y es pour rien. James décide finalement de briser sa promesse et de parler des Code Talkers à la presse. Des activistes comme Zit Kalasa organisent des campagnes médiatiques et de lobbying qui portent leurs fruits. Les pensions sont finalement versées à tous les vétérans indiens et en 1924, l'Indian Citizenship Act octroie la citoyenneté à tous les Indiens nés sur le territoire américain sans qu'ils aient besoin d'en faire la demande. La première victoire en faveur des droits civiques des Indiens. Eh bien, Minerva, ça n'a pas beaucoup changé ici, on dirait. Les maisons n'ont toujours pas de murs. Des murs ? Pourquoi faire ? On a refait l'église. C'est déjà pas mal. Comment il va ? Bien. Il va être content de te voir. J'ai trahi ce que j'avais de plus cher, ma parole, en révélant ce que nous faisions pour l'armée. Mais je ne regrette pas. C'était mon devoir de réparer cette injustice. Depuis, quelque chose en moi s'est libéré. Je continue de dormir avec le capteur de rêve. Les cauchemars n'ont pas disparu, mais je dors mieux. Beaucoup mieux. « 1917, L'arme secrète des Indiens Chacta de Vincent Hazard, avec Grégory Kidel, James, Salif Cissé, Joseph, Virginie Colmain, Minerva, Simon Belloir, Lieutenant Lawrence, Luc-Antoine Diquero, le colonel Blour, et les voix d'Aurélien Ouzinski, Étienne Launay et Mohamed Kouas. Bruitage Sophie Byzantz, équipe technique Antoine Vieussa, Alice Seyed et Éric Boisset, assistante à la réalisation Clémence Bucher, réalisation Benjamin Habitant. Merci aussi à William Meyers, Lee Hester, Leroy Seeley et Teresa Billy de la Nation Chacta qui nous ont aidés à l'écriture de cette fiction. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec l'historien Thomas Grillo. Porte l'histoire sur France Inter. Tell me if I'm not mistaken, but you're not in love. Am I right? Things aren't the same since we came here. We can pick up where we left off. But you're not in love. Am I right? Well, I can't say that I blame you. The tide has turned since our child sailed away. And the love we had was enough for two, not three. Oh God, what have we done? Your eyes like the old days, but you're not in love. I'm not blind. You're being kind, but you won't say. Since you've been mine, you feel hollow, and you're not in love. Got nothing to gain here. The tide has turned since our sun sailed away. And the love we had was enough for two, not three. Oh God, what have we done? Par zone sur France Inter, autant n'importe l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Guillaume Roux. Thomas Grillot, donc l'histoire que je viens de raconter, bien sûr, est fictive, inspirée de faits et de personnages réels. Joseph Oklahombi, notamment, a réellement existé. Alors, on voit cette guerre 1914-1918, on le sait, était effrayante, traumatisante pour tout le monde, enfin, pour tous les belligérants, pour tous les soldats. Mais à plus forte raison, peut-être, pour ces Indiens, non ? On a du mal à imaginer le choc que ça a pu être d'arriver comme ça sur les champs de bataille, les tranchées de 1917. Ce qui est certain, c'est que le passé de leurs parents, le fait que le fait guerrier fasse partie de leur histoire, ne les a pas prémunis contre les spécificités de cette guerre de 14-18, pour les Américains de 17-18, qui est une guerre industrielle. Et donc, les bombardements, les tirs de mitrailleuses, tout ça, c'est une mort aussi massive qui n'est absolument pas dans les mémoires, dans les traditions indiennes. Donc, il y a effectivement un choc brutal, mais qui est sans doute le même que celui qu'ont connu aussi les Américains. Même si les Américains qui ont combattu pendant la guerre de sécession avaient déjà vécu la mort de masse, aucun doute là-dessus, il y a une industrialisation de la guerre qui est traumatisante pour tout le monde. Alors est-ce que ces volontaires indiens dans l'armée américaine étaient des soldats américains justement comme les autres ? Ce sont effectivement, d'une certaine manière, des soldats américains, comme les autres, qui servent sous le même uniforme, dans les mêmes régiments que les autres. Et la particularité du régiment dans lequel a servi Joseph Oklahoma, le 142e Texas Oklahoma, donc un régiment régional, c'est que du fait de l'importance de la population amérindienne dans ces régions-là, il y avait effectivement beaucoup d'Indiens. Ils servent tous sous le même uniforme américain et donc ils ne se distinguent pas beaucoup des autres. Souvent pas volontairement, il faut qu'on vienne les chercher en tant qu'Indien pour que cette identité prenne une part importante dans leur expérience de la guerre. Est-ce qu'ils ont le même statut, par exemple, que les Noirs, qu'on soit noir, blanc, peau rouge, comme on dit ? Alors c'est une très bonne question. Quelle est la différence entre les deux ? La différence est très claire. Les soldats afro-américains, dans leur grande majorité, on va leur interdire de combattre. Alors ça va être fait sous la pression en fait des populations du sud des États-Unis qui ont peur de voir revenir chez elles des soldats afro-américains capables de manier les armes, d'user de la violence et donc de se révolter contre leur quotidien qui est un quotidien de ségrégation, de subjugation, de domination systématique. Et on n'a pas peur de donner des armes à des Indiens. Et oui, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, alors qu'on aurait pu penser que les Américains étaient encore pétrifiés par l'idée d'une révolte indienne, au contraire, on voit visiblement qu'une page a été tournée. On est prêt à leur remettre les moyens de la violence en se disant que de toute façon, revenu au pays, on pourra toujours maîtriser cette violence si elle arrive. Donc on va les faire combattre. Comme ils sont moins éduqués, beaucoup moins éduqués que la moyenne des Américains, et ben ils vont se retrouver dans l'infanterie, c'est là qu'on met les gens pas éduqués, et ils vont mourir de manière importante, disproportionnée par rapport au reste des Américains, de ce fait. Alors, dans la fiction, il y a une chose qui apparaît, c'est que les Indiens auraient été de meilleurs soldats avec des vertus guerrières particulières, quasiment innées, donc ils tirent mieux, ils retrouvent plus facilement leur chemin, les tirs d'obus dangereux, ils savent les reconnaître. Est-ce que ça, tout ça, c'est une réalité ou c'est purement un cliché? Il y a quelque chose qui se passe en 1917, c'est que des vertus guerrières qui avaient pu paraître des vertus sauvages, hein, et qui avaient pu paraître liées à un goût du sang, à une cruauté indienne, se transforment en vertus nationales. On va mettre la sauvagerie indienne au service de l'effort de guerre américain. Et le cas qui est cité dans la fiction, le cas de gens qui sont identifiés comme indiens et auxquels on va confier des missions, des patrouilles de nuit pour un travail de tireur embusqué, de sniper, tireur d'élite, c'est avéré ça. C'est-à-dire que on a cette représentation de gens qui savent naturellement manier la violence, s'orienter dans des situations de combat et qui va falloir utiliser pour gagner la guerre contre les Allemands. Et les code talkers, alors ces soldats qui sont donc utilisés pour envoyer des messages codés en langue indienne, est-ce qu'ils ont vraiment joué un rôle décisif ? Alors c'est une poignée d'individus, donc non, ils n'ont pas pu jouer un rôle si décisif que cela. Par contre, ils sont importants dans les mémoires amérindiennes parce qu'ils montrent aussi que ce qu'on avait pu vouloir éradiquer au nom de la modernité, de la civilisation, dont les langues, les cultures indiennes, bah dans certaines situations, on est bien forcé de reconnaître que ça peut avoir une utilité. Est-ce que après la guerre, après 1918, la nation américaine a été reconnaissante à l'égard de ses soldats ? Alors on a vu dans la fiction le colonel Blour qui a l'air de se défiler quand James tente d'obtenir pour lui une pension pour son cousin Joseph. En fait, les Américains n'ont pas été avares de reconnaissance verbale. Les Amérindiens n'ont pas subi non plus de traitement discriminatoire quand ils revenaient au pays. Vous aviez parlé du cas de Plenty Coup, donc un chef indien qui est invité à Washington dans des cérémonies tout à fait officielles, Alors on lui demande de pas parler et il décide de parler. Et ce qu'il dit, c'est justement ça, la contribution de sa race. C'est la terminologie qu'on emploie à l'époque. Ça lui permet, lui, un chef crow, de parler au nom de tous les Indiens. Sa race a contribué à l'effort de guerre. Il veut que les Blancs reconnaissent cet effort-là. Et quand on regarde ce qui se passe dans les petites communautés qui vivent dans et à côté des réserves, on voit que les Blancs, les Euro-Américains du coin, reconnaissent effectivement que les Amérindiens ont participé, qu'ils ont joué leur rôle. Et il y a une forme de reconnaissance, oui, qui passe. Et justement, la citoyenneté, les Indiens vont pouvoir accéder à cette citoyenneté grâce à 1924, à l'Indian Citizen Act. C'est grâce aussi à la participation des Indiens dans cette Première Guerre mondiale. En fait, non. En fait, la citoyenneté, la volonté de donner la citoyenneté aux Amérindiens, c'est un mouvement quasi séculaire aux États-Unis et un mouvement avec lequel les Amérindiens ne sont pas tous d'accord. Et les vertus de la citoyenneté ne sont pas reconnues par tout le monde. Et donc, comment expliquer que ces Indiens se soient engagés dans cette guerre qui leur était totalement étrangère? Est-ce que c'est un désir d'intégration pour des raisons matérielles ou tout simplement par fierté de la race, comme vous l'avez dit, par patriotisme indien? Alors avant tout, il faut invoquer le fait principal, la conscription. Ils sont obligés de s'enregistrer. Oui, ils sont obligés. Oui. Il ne faut pas oublier cette contrainte-là. Dans ces conditions-là, même quand on est volontaire, c'est en sachant qu'on peut de toute façon être conscrit. Donc on tend devancer l'appel et montrer sa bonne volonté en étant volontaire, justement. Et les motivations, si tant est qu'on puisse lire dans les esprits des gens, dans un contexte si idéologique où les gens sont obligés de dire certaines choses, les motivations peuvent être changeantes. On peut s'engager pour fuir l'oppression qu'on subit dans les réserves, on peut s'engager pour suivre ses amis, parce que souvent on s'engage quand on est encore à l'école, et donc on suit les copains, le groupe de copains. Ce qui est vrai, c'est que après la guerre, on peut reconstruire, réexpliquer son engagement d'une manière très différente quand on est amérindien que quand on est américain. Que reste-t-il aujourd'hui, Thomas Griot, de cette histoire, donc de la Première Guerre mondiale pour les Indiens aujourd'hui ? Elle est présente. Elle est présente pourquoi ? Parce que les Indiens ont continué de s'engager dans l'armée américaine, d'être engagés dans l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée, pendant la guerre du Vietnam, encore récemment en Irak, en Afghanistan. Donc cette histoire, elle vit, elle continue de produire des générations d'anciens combattants. Et la Première Guerre mondiale inaugure cette tradition-là. Merci Thomas Griot, vous êtes l'auteur, je le rappelle, d'Après la Grande Guerre, comment les Amérindiens des États-Unis sont devenus patriotes, aux éditions EHESS. À lire également Les Indiens d'Amérique du Nord dans la Grande Guerre de Jacques Rouzet aux éditions du Rocher, et aussi le roman de Gérald Wisner, un écrivain américain d'origine indienne, Les Corbeaux Bleus aux éditions OD. Autant d'emporter l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons pendant la Seconde Guerre mondiale avec le combat mené par les résistants de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Ces résistants d'origine arménienne, juive, polonaise ou roumaine, ex-républicains espagnols, tous des étrangers qui prirent les armes contre l'occupant nazi pour défendre l'honneur de la France, avec notamment le portrait d'une de ses plus belles figures, Missak Manouchian. Je recevrai l'historienne Annette Vieillorca. Missak Manouchian, au nom des autres, c'est dimanche prochain dans Autant d'emporte l'histoire.